la nuit arrive, tous frères et sœurs sortons, vêtus de ces longs habits austères que nous portons. Marchons à l'unisson derrière la flamme qui nous guide, avec pour seul et unique son ce chant grave qui nous hypnotise. Parmi nous, plus d'individus, plus rien ne nous dissocie. Sous les capuches, nos prunelles vitreuses luisent, reflètent la lune tandis que la brume s'électrise. Les nuages comme leurs doutes se dissipent. Je dirige mes disciples à l'aide de cette parole que je distille, elle est divine, disent-ils. Mais seul le silence apporte l'indicible. Ils ont fait naître en moi une chose bien étrange, une facette orgueilleuse qui me démange. Je n'entends plus ce qui me guidait d'antan, mais rien qu'à l'idée de les quitter, j'en tremble. Nous entamons la montée vers le sommet de la colline qui domine la vallée, la plaine. Le maître a promis que ça en valait la peine. Et puisque notre confiance est totale, nos pas suivent ceux de celui qui veut à tout prix nous ouvrir les yeux. Et tant pis si le sentier est légèrement escarpé, s'il nous emmène là, il sait vraiment ce qu'il fait. D'ailleurs, nous sommes arrivés, ça y est. La falaise résonne dans l'horizon, et l'oraison a raison de mon malaise. Je sonde les songes, les ondes, les sons. Le nombre se fond, les ombres gonflent. Je me sens galvanisé, prêt à prodiguer mon souffle sacralisé. Mes frères, mes sœurs, il est l'heure d'embrasser la plénitude intérieure. Silence complet. Écoutons, laissons l'éclat de son auréole éclairer tout le monde. Je sens son regard pendu à mes lèvres. La masse s'approche, les battements de mon cœur s'accélèrent. Comme pris dans une vague, nous voulons tous être à ses côtés, l'écouter, le toucher, pousser, presser. Avancez, venez goûter la libération. Je me sens comme soulevé, transporté par leur passion. Battons nous qui suivons cet homme voguant au-dessus du sol. Ne tremblons pas, continuons, car il est notre boussole. Je suis happé, appelé, emblombé par le vide. Suivez-moi, l'infini nous invite. Où est-il, où vont-ils, que se passe-t-il? Il est trop tard pour réfléchir et le gouffre nous attire. J'aurais cru que depuis le début c'était cela qui m'attirait. Je retrouve enfin l'état de grâce qui m'habitait.